Vous, président Bandakani, notre capitaine a pris les devants du côté du Burkina Faso. On vient d'écouter Thomas Sankara. C'était aux États-Unis. Déjà à cette époque-là, il était dans une logique de panafricaniser le combat des Noirs. Peu importe l'endroit où ils se trouvaient, s'ils étaient Noirs, il fallait qu'ils soient libres de leurs mouvements, libres dans leur âme, libres dans leurs esprits. Pour revenir sur le Burkina Faso, c'est un capitaine qui prend le pouvoir. Il a le même âge que Thomas Sankara au moment où il prenait le pouvoir. Est-ce que on peut inscrire cela d'ores et déjà dans ce que l'histoire a de particulier, un de ses bégaiements? Je n'irai pas jusque-là, mon cher Raoul, mon cher Wafo. Ne vous découragez pas, hein, mais le thème de ce soir est sérieux. Monsieur Ibrahim Traoré, c'est ça? Effectivement. Il n'est pas encore Sankara. Ce n'est pas encore Sankara. On ne sait, ça ne sert à rien de. Comment on dit ça? De verser dans des émotions injustifiées. Ibrahim Traoré, on va le suivre pas à pas. Parce que il n'a pas bien commencé, il ne commence pas bien. Aller faire le défilé des mots de RFI, tout ça, depuis le matin, c'est enfantin, sauf si c'est ce qu'il fait. Je suis un homme politique, je peux comprendre qu'à un moment donné, on fasse ce que j'appelle preuve de sagesse et de ruse en politique. Mais dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas un bon indicateur. Et depuis hier, nous avons commencé à demander à M. Ibrahim Traoré et ses amis de se racheter très vite, de se rattraper et de retrouver, n'est-ce pas, la posture qui correspond au contexte de Burkina Faso. Parce que, par exemple, appeler les manifestations devant l'ambassade et le feu qui a été allumé, vandalisme, c'était un peu ça. C'était une francophilie primaire enfantine qui ne rapportera rien, qui ne lui apportera rien. C'était une forme de conformisme diplomatique inutile et indécent. Alors, je le dis parce que nous le soutenons. Donc, je le dis la vérité. En tout cas, pour ce qui me concerne. Moi, Effectivement. je n'entends rien. Vous me connaissez. Je ne connais pas les palais présidentiels. Donc, je suis libre. Je dis ce que je dois le Pas de dire. langue de bois. Pas de langue de bois. Et il faut se souvenir que nous avons dit à M. Damy Bakaye, il a pris le pouvoir. Nous lui avons dit clairement. Et moi, j'en avais fait un problème personnel. J'avais lui avais dit, je prends ça sur moi. Que les fricotages que tu fais avec Paris là, tu vas finir honteusement, c'est ce qui est arrivé. Donc il faut que nos amis se mettent à la hauteur de la situation et rapidement soient en cohérence avec ce que si on se revendique du panafricanisme, c'est eux qui nous ont écrit, c'est eux qui ont demandé que tous les panafricanistes du monde entier les soutiennent. Ben il faut poser des comportements, il faut se comporter en toute cohérence. Cela dit, c'est un énorme progrès qu'on vit au Burkina Faso. C'est la continuité de la révolution panafricaniste depuis bientôt plus de 10 ans qui est à l'œuvre. On va pas faire la fine bouche. On est très content. On est très très content. Mais comme nous connaissons, quels sont ceux qui sont en face de nous, il faut être rigoureux et vigilant à toutes les secondes. Parce que ceux qui sont en face de nous sont des personnes qui sont, comment on dit ça, expertes dans l'art de faire du mal, dans l'art de la destruction, dans l'art de contrer les révolutions. Donc, ce n'est pas avec l'émotion ou bien des joies qui ne sont pas fondées sur une expérience certifiée et une capacité, n'est-ce pas, à tirer les leçons de l'histoire et à construire et à assumer une vraie dynamique révolutionnaire. Ce n'est pas sur ce genre de joie qu'on va établir ça. Mais on est sur la bonne voie. Et moi, je vous dis une chose pour vous rassurer. Nos capitaines qui veulent prendre le pouvoir ne peuvent pas arrêter le mouvement qui a commencé. Ils n'ont pas la capacité. Même s'ils veulent jouer comme Damiba, eux aussi vont partir comme des chiens. Est-ce que vous me suivez? Eux aussi vont partir comme des chiens. C'est une affaire qui les dépasse. S'ils peuvent être des instruments de ce combat-là dans le bon sens, eh bien, l'histoire va encore les balayer très rapidement. Donc, c'est l'avertissement sérieux que nous, on leur donne, mais on est avec eux. Et on est très content. On est très content parce que ça bascule du bon côté. Et on peut comprendre que dans un premier temps, au regard de la situation du pays, ils ne veulent pas rapidement, comment dire ça, affronter, commencer des batailles, des guerres avec des, parlons comme ça, des anciens partenaires, fussent-ils les principaux responsables de la situation au Burkina Faso. On peut comprendre ça. Mais alors, quand j'ai fini de dire ça, l'actualité de Thomas Sankara dans le contexte de l'urgence, je me fie au thème de la soirée, de panafricaniser les peuples noirs, entendu par là, j'entends par là aussi panafricanisme, c'est les révolutions. Effectivement. Elles sont panafricaines, mais il faut approfondir cette panafricanisation-là. Elle permet de voir l'actualité de Sankara. Il est d'une brûlante actualité. D'abord, quelle est l'actualité de Sankara? C'est que ce que l'on remplace n'a pas fait mieux que lui. C'est aussi simple que ça. En 4 ans, il a changé le visage de Burkina Faso. Et 22 ans de monsieur, vraiment, du pitoyable qu'on pourrait, n'est-ce pas? Oui, vous ne me direz pas, on t'y passe une ambulance. Donc, le pitoyable qu'on pourrait, 22 ans et la suite de tout ce que l'on remplacé, personne dans le bilan de Sankara. Personne. Personne. Chiffre à l'appui dans tous les domaines, aucun d'eux dans le bilan de Sankara. Elle dit, et deuxièmement, l'actualité de la dénonciation qu'il a faite de l'impérialisme en général, et en particulier du sous-impérialisme français, d'une brûlante actualité. C'est ça la jeunesse burkinabé qui le portait encore hier. C'est ça le cri de la jeunesse burkinabé. C'est un cri profondément, authentiquement sankariste, dans le sens où les problèmes qu'il a soulevés sont encore d'une brûlante actualité. Donc, quand on parle de panafricaniser ce mouvement que nous menons, il y a deux ou trois leviers ou éléments importants qu'il faut soulever. Il y a la problématique de la bataille idéologique et stratégique, parlons comme ça. Essayons de voir, en termes de panafricanisation, à quel niveau nous sommes parvenus et quelles sont les perspectives, très très rapidement. Évidemment, on va faire un peu de pédagogie. Prenons ce que pensent de nous, nos ennemis, à travers le prisme d'un média dont je ne voudrais pas faire la publicité, mais on n'a pas beaucoup le choix, vous me permettrez de citer, n'est-ce pas, et un certain éditorialiste de Jeune Afrique. Quand vous parlez d'ennemis, vous parlez de la jeunesse française. La jeunesse française, vous avez compris. Vous ne citez qu'elle, parce que notre ennemi, il est global. C'est l'Occident collectif. Mais maintenant, la jeunesse française. Donc, à travers l'éditorial du fameux journal qu'on appelle Jeune Afrique, sans publicité, et d'un certain François Soudan. Donc, tout à l'heure, je vais relever. On verra le vrai niveau à travers ce qu'il a écrit dans notre éditorial. Vous savez que c'est commandé. Il est au service des recommandations qui ont été données aux ambassadeurs. Effectivement. Par M. Macron. Voilà. Alors, je vais rapidement prendre quelques éléments, vous allez comprendre. Alors, parlant du discours de monsieur le Premier ministre malien, écoutez comment il le qualifie. En quoi ce résidu appauvri des grands discours anti-impérialistes d'autrefois mériterait-il d'entrer dans l'histoire? C'est-à-dire, en quoi ce résidu appauvri des grands discours anti-impérialistes d'autrefois mériterait-il d'entrer dans l'histoire? Alors, deuxième, il va dire, écoutez maintenant la contradiction grave qui va suivre, entre autres. Et pourtant, loin de passer inaperçu, la diatribe onusienne du colonel Maïga a atteint son but. Encensé avec elle sur les comptes d'influenceurs afro-souverainistes, dont l'ultra-violence verbale et l'hypertrophie du moi cachent une course frénétique aux followers. Elle a eu sur les réseaux sociaux presque autant de succès que le clash entre Boba et Maître James. Bon, écoutez bien, c'est littéraire. Boba, président. Non, n'insistez même pas. Que ce nom fait Boba et Maître James. C'est pas, on n'est pas à ce niveau. Mais je dis ça pour que vous voyez le niveau. C'est important. Hein? Vous allez voir pourquoi je suis en train de prendre cet exemple-là. Alors, donc. Moi, encore pour un autre exemple, vous allez comprendre à quel niveau on se situe. Alors, bon, ce ne fut pas, on le sait, le cas de la France, et elle en paie aujourd'hui la facture à la fois réelle et fantasmée. Il dit que la France n'a pas su sortir comme les anglo-saxons, les britanniques, en guillemets. Quoi le tournant dès lors, si c'est le champ de bataille d'une guerre numérique, où les intelligents sont souvent lâches, tandis que de sonores imbéciles pérorent et vitupèrent en se répandant en furieuses invectives, des intellectuels de haut volet comme Achille Mbembe, Fermin Sarr, Kako Nubukpo et Pape Diaye, et tous les invités au sommet de au sommet Afrique-France de Montpellier en octobre 2021 soit traité de nègre de salon et de caniche lobotomisé pour avoir osé échanger avec Emmanuel Macron. Faut en Soudan, hein? Je vais terminer, vous allez comprendre où on se trouve. Auprès des couches populaires et moyennes urbanisées, surtout jeunes, et au sein de la diaspora, les cyberactivistes anti-français ont beaucoup plus d'audience et d'influence que la Chine BMB, tout ça, intellectuel de haut vol, décrété comme tel par M. François Soudan. Ce qui rend quelque peu vain, je répète, comme le Premier ministre malien, je répète, ce qui rend quelque peu vain, il faut le reconnaître, l'injonction des ripostes communicantes que le président français a adressé aux diplomates et aux médias publics lors de son allocution devant les ambassadeurs le 1er septembre dernier. Vous avez compris, non? Donc, on a compris, président. Si ce minable éditorialiste, dont le niveau n'est pas supérieur à celui d'un petit gigolo de la plume, je crois que mes mots sont bien mesurés, hein? Petit gigolo de la plume. On connaît tout ce qui est François Soudan, c'est qu'il vaut. C'est le mot. C'est un petit gigolo de la plume. Mais nous savons que Jeune Afrique est la voix de la France-Afrique. C'est la voix des services secrets français pour polluer l'atmosphère, le mental de l'intelligence africaine. Bon, lui-même, il reconnaît que leurs injonctions, toute leur stratégie est vaine. Elle est vaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, pendant qu'il vous, c'est-à-dire qu'il place au pinacle les Mbembe, les Nabuko et tous ces gens-là. Kaku Nabuko. Oui. Vous voyez comment il nous traite de toutes sortes de noms d'oiseaux. Et il nous ramène à des influenceurs qui cherchent les followers. Comme si Jeune Afrique écrivait pour que personne ne lise. C'est-à-dire que je ne veux pas revenir là-dessus. N'est-ce pas? Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais en voulant nous ramener à des influenceurs, des followers, c'est toujours justifier la propagande, n'est-ce pas, primaire de la France, qui veut faire comme si l'Afrique n'existait pas. C'est un conflit Paris-Moscou. Et que nous sommes nous travaillons pour Moscou. Nous sommes des faire-valoir. Les faire-valoir de Moscou, stipendiés, comme avait dit le petit garçon de l'Elysée. Stipendiés par Moscou. Par contre, les bébés, là vous pouvez autres, non, sont des vrais intellectuels. Parce qu'ils sont... Ils causent avec Macron. Et quand on travaille pour la France, on ne peut pas être un mercenaire. On est forcément un grand intellectuel. Et qu'on lutte pour les bonnes causes. Et qu'on est dans la sphère des lumières. Des gens bien. Des vrais intellectuels. Parce qu'on travaille aux côtés de la France. C'est pour dire quoi? Quand on regarde le niveau des arguments qu'il y a en face de nous, il n'y a pas match. Eux-mêmes sont conscients que ce n'est pas avec ce ramassis d'agussi. Ce n'est pas avec une stratégie qui relève du Moyen-Âge qu'on peut enrayer la marée du panafricanisme sur le continent. Ils le savent, comme je viens de vous le démontrer. Alors, il faut tout faire pour démontrer que c'est la Russie qui est derrière. Donc, un des défis dans la panafricanisation de peuple noir et de ce mouvement dans le fond du mouvement, c'est de continuer à porter, n'est-ce pas, ce flambeau qui démontre qu'on a affaire à une initiative purement africaine. La France ne cessera jamais de faire ça parce que c'est dans son logiciel. Elle n'est pas à mesure de faire son autocritique comme elle demande, soi-disant, au panafricanisme de faire l'autocritique des dirigeants africains. Elle n'est pas à mesure de faire son autocritique. Encore si l'Afrique a eu des dirigeants un jour. C'est-à-dire qu'elle a imposé des sous-préfets partout, elle n'est pas le dirigeant, mais le débat n'est pas là. Donc, elle nous demande de faire notre autocritique, n'est-ce pas, alors qu'elle n'est pas mesure de le faire. Donc nous devons continuer à porter, à maintenir le flambeau de l'autonomie intellectuelle de ce mouvement et de sa puissante endogénéité. Nous ne sommes pas dans les bantoustins intellectuels. Il n'est pas question de verser dans l'autarcie intellectuelle. Le propre de l'intelligence, ce n'est pas accepter l'autarcie. C'est pas s'enfermer dans un cancan. L'intelligence est ouverte, l'esprit est ouvert, et il embrasse le cosmos. Mais il embrasse le cosmos à partir de quelque part. Effectivement. Il part de quelque part. Et si on n'est pas en mesure de valoriser ce quelque part-là, on n'est plus dans l'intelligence. Vous comprenez? Donc il va falloir toujours maintenir cette autonomie du mouvement panafricaniste qu'aucune propagande mondiale ne peut annuler parce que tout le monde sait qu'il y a 10 ans qu'on commençait ici, la Russie n'était pas encore au niveau où elle est aujourd'hui. En termes de retour sur le plan, plan de la géopolitique mondiale. Alors, un gigolo comme François Soudan, minable gigolo comme François Soudan de la plume, des agitations du petit garçon de l'Élysée devant ses ambassadeurs, toute la gesticulation de l'appareil sécuro-criminel de la France ne peut pas affronter le panafricanisme, tellement nous sommes puissants. Il est restera la calomnie. Mais il y a un travail à faire parce que non seulement il faut conserver l'autonomie, mais il faut la maintenir vivante. Il faut la maintenir animée. Face, n'est-ce pas, pour diminuer ne serait-ce que le nombre d'Africains que la France peut réussir à faire basculer dans son camp. Il faut laisser que la France conserve son noyau de traîtres africains. Ça ne sert plus à rien. Mais que la nouvelle génération continue à s'abreuver du panafricanisme en tant que mouvement intellectuel, si on prend seulement ce côté, authentiquement endogène, fruit de du génie des enfants de l'Afrique. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est, tout à l'heure, je vous ai parlé de Sankara. Sankara nous a laissé un héritage extraordinaire. Il est mort d'une certaine manière. Il a été assassiné par la France avec la complicité d'un sous nègre de service, M. Compaoré, dont la fin démontre ce que l'histoire réserve à des voyous. Pas. Il est tellement pitoyable que nous-mêmes, on a honte de taper sur lui. C'est une ambulance. Donc nous-mêmes, on tape sur lui. Et président, pour ajouter de l'eau à votre moulin, il faut rappeler que la France a poussé la perversité un peu aux extrêmes dans le cas de l'assassinat de Thomas Sankara. Le médecin légiste qui avait constaté le décès avait inscrit sur le carnet de décès, cause du décès, mort naturelle. Tout à fait. D'ailleurs, vous voyez tous les manœuvres de la France pour empêcher l'ouverture de la partie internationale du procès. Si on veut jouer le jeu des gens qui font le procès en deux parties, c'est le même procès, on fait le procès en deux parties. J'ai jamais vu un procès en deux parties, une partie nationale et une partie internationale. Il n'y a que la France qui fait des choses comme ça, partie internationale du procès. Donc on voit aujourd'hui que un des défis que nous avons à relever, c'est qu'il n'y ait plus de qu'on n'assassine plus nos héros. C'est très important. Thomas Sankara le disait d'ailleurs dans le discours. Très bien. Qu'on n'assassine plus jamais nos héros. C'est-à-dire que c'est la bataille aujourd'hui. C'est-à-dire Assimi Goïta, par exemple, ne doit pas être assassiné. Nous devons encadrer puissamment les jeunes capitaines qui ne veulent pas pouvoir au Burkina Faso. C'est-à-dire et empêcher tout mouvement, n'est-ce pas, réactionnaire de la part de l'impérialisme français, du sous-impérialisme français. Parce que il fait même trop d'honneur de l'appeler impérialisme. C'est un sous-impérialisme français, c'est-à-dire de faire ce qu'elle a fait hier, à savoir assassiner tous les dirigeants africains qui osaient lui dire du non. Évidemment, ce n'était pas au niveau du petit gigolo de service François Soudan, ce n'est pas à son niveau. Ça, c'est un débat tellement élevé qu'il ne peut même pas affronter ça. Il préfère faire comme si ça n'a pas existé. Il préfère ne pas voir ça. Donc il y a ça, c'est le deuxième défi à relever. Faire en sorte que nos héros soient vivants et qu'ils aient la possibilité eux-mêmes d'analyser leur travail et de restituer au soir de leur vie, n'est-ce pas, leur œuvre par eux-mêmes. Quitte à ce cas, pour les générations qui vont partir, qui vont poursuivre le combat, et amène ce que vraiment, que après avoir exercé tout son magistère et pris une retraite, n'est-ce pas, voici ce que nous a laissé comme héritage, comme mémoire. Il y a ce défi-là. Il faut protéger nos héros. Il ne faut plus que les Français entrent dans nos maisons et assassinent nos héros. Ils vont s'asseoir et après raconter l'histoire de la mort de ce héros-là. Ils érigent un tribunal pour juger ses biens et ses méfaits, entre guillemets. C'est une honte insupportable. L'autre élément fondamental, c'est, puisque je suis dans le sujet, moi j'aime quand je vois un sujet comme ça en mélange, je ne prépare bien mon émission par rapport à ça. Il y a ce que j'appelle la conjurer la malédiction d'Haïti. Alors ça, c'est quelque chose de très important. La conjuration de la malédiction haïtienne, c'est quoi? Tout à l'heure, je crois c'est Esmeralda, si j'ai bien suivi. Je crois que c'est Esmeralda qui parlait de ça, du tribut qu'Haïti a payé et continue de payer. Alors, on a puni Haïti d'avoir fait cette première révolution contemporaine du noir, de s'être inspiré des, entre guillemets, des lumières françaises pour démontrer que ce n'est pas les lumières. Et couvrir le blanc de honte en imposant une des premières défaites historiques à l'Occident. Une véritable révolution dont la portée est mondiale, globale. Les Français, les Occidentaux ont juré que Haïti paierait ça toute sa vie, tant qu'on sera sur la terre, de manière à dissuader une démarche, n'est-ce pas, toute démarche qui essaierait de ressembler, de reprendre en charge ce que Haïti a fait. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Toute la doctrine contre-révolutionnaire française, dans ses présupposés les plus profonds, en termes psychologiques, en termes de pensée militaire et contre-révolutionnaire, est basée sur ce que je suis en train de vous dire. Nous faire payer très cher le tribut d'Haïti. Et à un autre niveau, démontrer que les Noirs ne peuvent faire les auteurs d'une révolution qui soit aboutie. Ils ne peuvent rien construire. Non, ils ne peuvent faire aucune révolution qui soit aboutie. Autrement dit, tout ce qu'ils vont entreprendre contre l'homme blanc doit se solder par un échec de moyens, que ce soit une honte à vie. Que le Noir soit porteur de cette blessure éternelle, n'est-ce pas, qui consiste en ce que tant qu'il refusera que le blanc lui est supérieur, il faudra qu'il vive dans l'amertume de manière éternelle. Amertume et tristesse et aigreur provenant du fait que, quoi que nous fassions, le blanc est fort. Il nous gagne toujours. Nous remportons les batailles, mais il gagne la guerre. Et il nous impose toujours sa loi. Ce n'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui ressort quand vous regardez nos soeurs et nos frères de l'autre côté des Caraïbes. C'est ce qui ressort dans tout ce qui, dans leur vie, leur discours, ça ressort là. Et le blanc, il aime jouir de ce genre de situation. Il aime jouir de ça. Il faut conjurer ça. Il faut conjurer ça. C'est-à-dire que sortir des processus révolutionnaires et imposer des États qui ont achevé une révolution et qui se sont projetés dans l'histoire de manière définitive. Et qui, n'est-ce pas, sont sortis du face-à-face là avec l'ennemi parce qu'on l'a battu totalement et qu'on est tellement solide qu'il ne peut plus oser à dire, faire la moindre entreprise contre révolutionnaire. On parle d'Haïti, il y a Sékou Touré, par exemple. Ce n'est pas le seul cas. Tout ce qu'on inflige à nos frères et sœurs dans les Kanaks là, à Kanaki, en Martinique, partout là-bas, dans le bassin caribéen. Tout ce que nos sœurs de Guinée-Papouasie, nos frères et sœurs de Guinée-Papouasie subissent là-bas, en Polynésie, hein, bras séculiers de l'impérialisme américain, en Indonésie, je vais dire, c'est quoi? C'est justement le fait de maintenir cette malédiction, n'est-ce pas, qui fait que le nègre ne va jamais entrer dans l'histoire, tant qu'il n'acceptera pas que le blanc lui est supérieur. C'est de cela qu'il s'agit. Tout est conçu autour de ce paradigme-là. C'est pour ça que vous dites panafricaniser le peuple noir, ça a le sens, parce que le peuple noir est encore le seul peuple qui vit sur cette caricature-là. Si on met de côté les indiens autochtones d'Amérique, le noir, c'est-à-dire le peuple noir est, encore que ce sont nos frères, est le seul peuple qui vit sur ce paradigme-là et qui subit en plein XXIe siècle le maintien, c'est-à-dire la construction de la vitalité d'un tel paradigme par l'action des impérialistes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il y a ce défi-là, n'est-ce pas, à relever. Et relever ce défi pour sortir, comme j'appelle, des processus révolutionnaires, quand on entend ce que je suis en train de dire, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais c'est cette perspective-là qui rend actuel le thème de ce soir. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, au Mali, on parachève la révolution et que l'État malien soit stable, de ce point de vue, sur au moins 200, 300, 400, 500 ans. C'est-à-dire qu'on a débarrassé le Mali de tous les oripos, les œillères, n'est-ce pas, social, culturel, ce que vous voulez, de l'impérialisme. Il y en a encore. Quand vous voyez, quand Chouvel Maga retourne, je reviens des Nations Unies. Chouvel Maga, lui, c'est content, il a retrouvé la santé. Il est revenu. Il a la santé, donc je pense à lui. C'est ça que ça vient comme ça. Donc vous avez plein de petits leaders politiques maliens, des sous-leaders maliens, qui ne sont même pas des hommes politiques, qui sont allés à RFI, d'autres écrivent l'armée de Macron sur Internet, ils écrivent tout et n'importe quoi. Ils n'ont aucun argument. Mais vous voyez qu'il faut qu'on arrive à un niveau. On localise ça. Je suis en train de dire que, par exemple, il faut que nous ayons nos réseaux sociaux, que nous ayons nos moyens de gouverner Internet, le gouvernement du net, qu'on ait ces moyens-là pour neutraliser, n'est-ce pas, de telles opérations. Par exemple, quand l'Occident est en mesure de mentir, de tuer et de dire qu'il n'a pas tué et d'accuser un innocent que c'est toi qui as tué parce qu'il contrôle tous les réseaux sociaux, il contrôle les moyens de communication, il peut faire dire tout et n'importe quoi. Donc, ces choses-là doivent cesser. Par exemple, c'est vrai pour la monnaie, c'est vrai sur le plan militaire et tout et tout. C'est ça, la panafricanisation, n'est-ce pas, des luttes des peuples noirs. La conséquence définitive, c'est que il faut que le pays cesse d'avoir pour dirigeants des gens comme Ouattara, les Ambalo Sissoko, Sissako Sissoko, n'est-ce pas, les Bazoum, des trucs comme ça. Il faut que le continent, on aura reçu cette affaire lorsque dans le continent, il ne sera pas possible d'avoir des accidents comme les Bazoum, hein, des hontes comme Ouattara, les Ambalo, tous ces gens qui nous font honte. Des calamités, ils sont pires que les calamités. Ils sont pires. Vous savez, on n'a pas le temps. Peut-être qu'il faudra avoir un thème un jour que nous fassions l'anthropologie. L'anthropologie, n'est-ce pas? Et l'anthropogénèse des dirigeants comme ça. Des gens comme ça. Il faudra qu'il y ait une émission un jour. Et qu'on ait le temps pour le faire. Parce que le fait qu'il y ait des Ouattara à la tête de nos pays, les Bazoum, les Ambalo, des trucs comme ça, c'est même la preuve que... comment on dit ça? Que... on n'a pas encore suffisamment secoué cette affaire à la racine. On a commencé. Il faut le déraciner, n'est-ce pas? Et faire ce que les Romains faisaient. C'est-à-dire, les rites expiatoires, au sens géopolitique du mot. C'est-à-dire, quand les Romains avaient écrasé un ennemi, n'est-ce pas? Ou mieux pas, une province rebelle, ils jetaient le sel. Ils jetaient le sel pour expier. C'est-à-dire, c'était une forme d'expiation sacrificielle, n'est-ce pas? Pour dire que plus jamais ça! Plus jamais ça. Donc, il nous faut déraciner. On a commencé, on a déraciné. Mais il faut faire le rituel, le rite d'expiation sacrificielle pour que jamais sur ce continent ne reste, n'est-ce pas, des erreurs comme les Bazoum, les Ouattara, les Ambalo Sissako, tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui font honte à notre continent. Merci à vous, Président Mandakani.